بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 96 بعد المئة، 196 كيستيون. سئل أي شيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز التحدث عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه؟ Donc est-il permis de discuter de l'affaire du meurtre de Othman Kalalagri, Othman al-Sahabi رضي الله عنه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حصلت فتن منذ قتل عثمان، حصلت فتن عظيمة وبين الصحابة أنفسهم، لكن هذه الفتن التي حصلت زاد الناس فيها ونقصوا وكذبوا أيضا ووضعوا. Donc il a dit, à l'époque de Ali, رضي الله عنه, il y a eu beaucoup de troubles qui se sont déroulés, et ce depuis la mort de Othman, depuis qu'il a été assassiné. Des grands troubles, même entre les Sahaba eux-mêmes. Cependant, ces fitons-là, dans ce qui était rapporté à notre époque, des gens ont rajouté des choses, d'autres ont retiré des choses, d'autres ont menti, et d'autres ont inventé. فَكَثِيرٌ مِنَ التَّأَلِفِ أو التَّأْلِفِ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ بِالذَّاتِ أي فِيمَا وَقَعَ بِنَ الصَّحَابَةِ فِي صِفَّيْنِ وَالْجَمَلِ وَغَيْرِهَا كَثِيرٌ مِنْهَا كَذِبٌ وَكَثِيرٌ مِنْهَا ضَعِيفٌ. Donc il a dit beaucoup de choses qui ont été écrites dans le sujet, d'accord, de ce qui s'est déroulé entre les Sahaba, comme divergence et comme conflit. Beaucoup sont des mensonges, et beaucoup des choses qu'on t'a rapportées sont faibles. والصحيح فيها كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية رحمه الله تعالى الصحيح منها هم فيه معذور متأولون ومن أخطأ منها فلو أجر ومن أصاب فلو أجر. Donc الشيخ الإسلام il a dit quoi par rapport à ces choses qui ont été dites sur les Sahaba? Il a dit les choses qui sont authentiques qui ont été rapportées d'eux, ils sont excusés, car ils ont fait une interprétation en ijtihad. Ce n'est pas une chose qui a été faite par passion. D'accord? C'est une chose qui est faite par ijtihad. Et celui qui, dans son ijtihad, s'est trompé, il aura une récompense. Quant à l'autre qui aurait raison, il aura deux récompenses. وَلَا يَحِلُّ لَنَا أَن نَمِيلَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمَا أَبَدًا وَإِنْ كُنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ عَلِي إِبْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْخَلِيفَةَ الرَّابِعَ وأن خلافته لم تنتهي إلا بموته وأنه أقرب للحق من غيره. Il a dit donc il ne nous est pas permis de prendre parti pour l'un en dehors de l'autre, contre l'autre. Bien que nous ayons pour croyance que Ali ibn Abi Talib, c'était lui qui était le khalifa, le chef des croyants, le quatrième, et que son khilafa, sa période de pouvoir, ne s'est terminée que par sa mort. Et que c'est lui qui était le plus proche de la vérité. C'est-à-dire dans ce qu'il y a eu comme conflit entre lui et d'autres, Sahaba, c'était Ali qui avait raison, car c'était lui le commandeur, le gouverneur. Et c'est à lui qu'il fallait obéir. Et l'avis qu'il avait choisi était le correct. Donc il a dit, il ne fait aucun doute auprès de nous. C'est-à-dire que c'est Ali qui avait raison, à la base. Cependant, cela ne nous emmène pas à détester certains et en aimer d'autres par rapport à cela. C'est-à-dire de détester ceux qui n'étaient pas dans la vie de Ali. Mais là, ça c'est une erreur. C'est pour cela que les ulama disent que le mazhab des gens de la sunna, c'est qu'il faut se taire. D'accord? Se taire dans ce qui s'est déroulé entre eux, entre les sahaba. Qu'il n'y a pas à venir et à en débattre et à en faire des parties, en faire des préférences et autres. وعبر بعضهم بقوله نسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا فنسكت ما نتكلم فيه ولا ننشره بين الناس لأنك إذا نشرت هذا بين الناس فلابد أن ينقضي في قلب أحدهم الميل إلى هذا وإلى هذا فيهلك. Donc il a dit, comme certains l'ont dit, nous devons nous taire dans ce qu'il y a eu comme conflit, comme guerre entre les Sahaba. Et que ce qui s'est déroulé, ça a été par la suite d'un ijtihad pur. Donc on se tait et on ne parle pas à ce sujet-là. Ni on le propage au sein des gens. Car si jamais tu fais cela, forcément certains vont prendre dans leur cœur et vont commencer à penser du mal de certains autres. Parmi les Sahaba, on parle. Et cela mènera à leur perte. car se mettent à critiquer les Sahaba par leur mal sur eux, d'accord, et ne pas les aimer, cela c'est le mazhab des Rafida, qui amène à les critiquer, qui amène à les insulter, voire même à les rendre mécréants. Quant à nous, on les aime tous. Maintenant, on sait que certains sont meilleurs que d'autres, mais sinon, on les aime tous, et on ne les cite qu'en bien. فأولى أن نضع الحديث عما جرى بين الصحابة ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي اختبره بعض العلماء الخليفة الخامس لما سئل عما وقع بين علي ومعاوية قال كلمتان يا جديرة أن نكتب بما الذهب. Donc il a dit, donc le, ce qui est le mieux à faire, c'est de délaisser toute discussion à ce sujet-là. Et Omar ibn Abdul Aziz, lorsqu'il était interrogé à ce sujet, et Omar ibn Abdul Aziz, certains ulama l'ont considéré comme étant le Khalifa al-Khamis. Khalifa al-Khamis, cinquième calife. Et en réalité, d'autres savants disent que non. Ceux qui auraient été plus en droit d'être cités de la sorte, ça aurait été Muawiyah. Car Muawiyah était un sahabi. Donc Muawiyah était meilleur que Omar ibn Abdul Aziz, qui lui était un tabiri. Sauf que Muawiyah a été un roi. Il n'a pas été un khalifa. Il était un roi. Sans quoi, il était plus en droit d'être le cinquième, car il était un sahabi. Radiallahu anhu. Donc, lorsque Omar ibn Abdul Aziz a été interrogé à ce sujet-là, il a dit une parole qui mérite d'être écrite avec de l'eau d'or. قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ قَالَ هَذِي دِمَا تَهَرَ اللَّهُ أَسْيَافَنَا مِنْهَا فَيَجِبُ أَنْ تَهِرَ أَرْسِنَتَهَا مِنْهَا يَعْنِي تِلْكَ الْأُمَّةِ قَدَ خَلَتْ. Donc, il a dit, ces gens-là, en parlant des Sahaba, ce qu'il y a entre eux, Allah a purifié nos épées de leur sang. C'est-à-dire qu'on n'a pas participé. On n'a pas contribué. Donc, il convient à ce que l'on purifie nos langues كذلك de leur honneur et de leur et de les citer en mal. D'accord? Tout comme on n'a pas participé au combat, on a été parlé de cela, alors qu'on n'est pas nos langues et nos personnes de parler sur eux également. Non. Pour dire que ce qui leur est arrivé, c'est fini, c'est révolu, c'est passé, cela ne nous concerne pas aujourd'hui. Et cela ne touche en rien à leur honneur, à leur vertu, de ce qu'on doit considérer d'eux dans notre religion. وَلَنْبَرِي لَنَا أن نقرأ ما جرى بينهم لأن هذا لابد أن يوقع في قلب الإنسان الميل من أحدهم مع أحدهم. Et il a dit, il ne convient pas de lire dans ce qui s'est passé entre eux, car cela va amener forcément à prendre dans le cœur, rentrer dans le cœur contre certains d'entre eux, car c'est des êtres humains. Et comme on l'a dit, la plupart des choses qui ont été écrites sur le sujet, soit sont des mensonges, soit faibles, soit inventées. Donc tu n'arriveras pas vraiment à savoir où est la vérité. Et des gens vont servir de ce genre d'histoire pour te faire détester certains compagnons. Sans aucun doute. Donc le meilleur c'est quoi? C'est de l'éviter et de prendre ce qu'ils ont vraiment cité de façon globale et générale dans leur combat. Naam. وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْخَيْرُ أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْعَقِيدَةِ الْوَسَطِيَّةِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut, d'accord, c'est de ne pas en parler comme c'était Cheikh l'Islam dans Al-Aqidah wa Sathiyah et d'autres ulama. Wa naqul ha'ula ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum wa lana ma kasabna wa la nus'alu amma kanu ya'malun. Donc on dit, il s'agit là d'une génération qui est passée. Ils auront ce qu'ils ont eux commis, cela sera entre eux, yawm al-qiyamah est jugé, et nous aurons ce que nous avons à assumer. C'est-à-dire que ce qui leur est arrivé ne nous concerne pas. D'accord? Ils ne seront pas interrogés à propos de ce qu'ils ont fait. Nous ne serons pas interrogés à propos de cela. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال الله فيهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc nous demandons à Allah de nous apporter le tawfiq et de faire de nous de ceux dont Allah a dit dans son livre, dans le sens où il dit: notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et ne mets pas dans notre cœur du mépris à l'égard de ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes le pardonneur et miséricordieux. Naam. Adalazia khazamina la souel. Falhamdu rabbil alamin.